Esprit Vandal 2, c'est Venenus, cousin. Bladouillous, engrenage musique. Val de Fontaine, bois cadence lance. L'esprit malsain. C'est la vénéneuse, on nous fait hostilité. Le cas de Minégro, dédicace aux petites cités. La T600 balles, à l'écoute d'esprit vandal. T'as un calibre lyrique, un négro, mais tu fais 600 balles. Apparemment, beaucoup d'MC mènent une vitesse de cadar. Je repère les joueurs de flûte à la vitesse d'un radar. Respectable ou détestable, faut que ta parole soit fiable. Parce qu'il y a rien de plus tentant que l'envie de tester un bâtard. L'esprit malsain, un jour sur deux, si j'écris mal, hein. Je recommence car je suis teigneux comme les petites valses. L'hypocrite, je m'en bats les biens, que tu me dises que je t'ai plus. Je prends ta bouche en guise de trop, les talents. En guise de PQ, ces abrutis qui malgré eux me poussent à pas abandonner le son. Chéri va déjà à l'école et tu pourras me donner tes leçons. Des fois ma plume c'est un tas, le rap c'est un art. Comme un macro qui malgré les roues maintient, c'est un dard. L'esprit est glauque, l'esprit est vandal et malsain. C'est pour mes frères qu'on bat du temps qu'on n'est pas le 5. Reviens à Val pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. L'engrenage, je reste allé, l'esprit n'est pas Jarry. L'esprit est glauque, l'esprit est vandal et malsain. C'est pour mes frères qu'on bat du temps qu'on n'est pas le 5. Reviens à Val pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. Je rêve par les messieurs, les spatiales. Je vais entre deal et deal. En 2009, toujours un deal et deal. On vise toujours l'oseille, même la gloire d'un mec comme Zinedine. Et ouais, ma gueule, pareil que la crise nous force à charbonner. Donc moi j'écris des textes avec l'espoir de pouvoir cartonner. Mais d'avance vite pour que mes frères te décrivent les étoiles. Ils pensent, je suis bon à rien. Bah vas-y, laisse les croire. Car d'après eux, nous on est fake pour bicrave la résine. Pareil que depuis mec, tout Dieu c'est devenu bien plus agressif. Balance une base que je te décrive ce qui se passe dans ma tête. Les petits veulent dégommer les keufs comme les kids dans ma tête. Après les cours, y'a que les bus qu'ils aiment bien casser. Du lard, c'est trop la merde. Eux te diront que ce n'est pas assez. Pareil que si on veut que tout ça change, il faut que pareil crame. Faut faire sauter leur putain de champ et toutes les barricades. Moi j'ai pas attendu Facebook pour dire que c'est la merde. Que j'ai plus d'amour pour personne à part pour ma mère. L'esprit est glauque, l'esprit est vandal et malsain. C'est pour mes frères qu'on bat du temps qu'on n'est pas le 5. Reviens à Val pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. L'engrenage, je reste allé, l'esprit n'est pas Jarry. L'esprit est glauque, l'esprit est vandal et malsain. C'est pour mes frères qu'on bat du temps qu'on n'est pas le 5. Reviens à Val pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. L'engrenage, je reste allé, l'esprit n'est pas Jarry. L'esprit est glauque, l'esprit est vandal et malsain. C'est pour mes frères qu'on bat du temps qu'on n'est pas le 5. Reviens à Val pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. L'engrenage, je reste allé, l'esprit n'est pas Jarry. L'esprit est glauque, l'esprit est vandal et malsain. C'est pour mes frères qu'on bat du temps qu'on n'est pas le 5. Reviens à Val pour voir ce qu'il s'y passe la nuit. L'engrenage, je reste allé, l'esprit n'est pas Jarry.